Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode 9 qui sera consacré aujourd'hui au film Jurassic World. Il n'est pas question de contrôle. On reste là. C'est une relation basée sur le respect. Ces animaux se disent « je dois manger ». Je dois chasser. Je dois... Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme! La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. On l'a conçue plus imposante que le T-Rex. Qu'est devenue sa sœur? Elle l'a dévorée. Nous avons un sujet hors confinement! Qu'est-ce que c'est? Son implant GPS, elle se l'est arraché. Comment a-t-elle pu y penser? Elle s'est rappelée où on l'avait posé. Oh non. Elle tue pour le plaisir. Vous avez 20 000 visiteurs. Vous n'avez plus de bateau. Et pas les armes nécessaires. Si on fait ça, on le fait à ma manière. On a la cible en visuel. On l'allume. Il y a un problème. Ils communiquent entre eux. Ça n'est jamais qu'un animal. D'une intelligence hors norme. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode 9 qui sera consacré aujourd'hui au film Jurassic World. Donc, je ne suis pas seul pour parler de cette émission aujourd'hui. Alors, on va commencer par encore un nouveau. Alors, on va dire bonsoir Fab. Bonsoir. Ça va, pas trop inquiet, pas trop content d'être là? C'est le stress, hein, c'est toujours pareil. Avant un podcast, c'est toujours le même stress. Mais bon, on va essayer de tenir. Non, c'est surtout le stress de la durée, en fait. C'est sur 12 heures. Wow. Un enregistrement d'1h30, oui, c'est pas une habitude. Là, pour moi, on se lance à peine, quoi. J'ai eu la même chose lors du précédent enregistrement avec Dino. Hein, donc, mais lui, c'est pire. Oui, 4h30 d'enregistrement. Ah oui. C'est un peu long. Et puis, vous l'avez entendu rigoler, on va dire bonsoir Milou, bonsoir. Ben bonsoir à tous. Donc non, il n'y a pas Steph Core cette fois-ci. Il n'a pas vu le film, donc tant pis. Hein. On sera qu'à trois. Donc aujourd'hui, on peut dire du mal de lui alors. Ah, enfin. Il écoutera peut-être, mais... le sujet, l'émission de ce soir, c'est consacré au film Jurassic World. Film sorti le 10 juin 2015 en France, qui a été réalisé par Colin Trevorrow, pardon si j'écorche son nom de famille, avec comme acteurs principaux Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson et T. Simpkins. Alors, un petit résumé un peu l'histoire pour... Et Omar Sy. Omar Sy, pardon. Oh non. Pardon, j'avais oublié le personnage important de l'histoire. Ah, quand même. Un petit truc rigolo, déjà, pour commencer, à propos de ce film. Pour ma part, je sais pas vous, et moi, je l'ai vu en VF. Un truc rigolo, c'est qu'il a dû se redoubler en VF. Ouais. C'est assez hallucinant. Oui. Oui, oui. Mais je me demande même s'ils ont pas poussé jusqu'à redoubler les parties où ils parlent en français. Oui, c'est ce que j'y pense. Je pense ils parlent en français, tu penses? En VO, ils parlent en français? Ah oui, ils parlent en français. Ils parlent beaucoup en français. Bon, disons qu'ils parlent un anglais à la française. D'accord. Rien que ça, ça devrait alerter sur le niveau de l'éducation nationale dans ce domaine. Mais il parle beaucoup en français dans la version originale. Et comme tu dis, j'ai l'impression qu'il redouble, effectivement. Donc, C'est assez fréquent que dans les films américains, même les acteurs américains se redoublent eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui. Après. Mais c'est-à-dire que là, le fait que... Il parle déjà français. En France, les films français, on ne connaît pas, ou alors ça passe très inaperçu. Je ne connais pas beaucoup de films où l'acteur français s'est redoublé parce que le son d'origine était dégueulasse. Je ne sais pas, c'est peut-être une impression. Si, des fois, c'est relativement rare, mais ça se fait quand même beaucoup. C'est vrai sur les passages où d'ailleurs on ne voit pas forcément toujours l'acteur de face. D'ailleurs, mais ça arrive très souvent. Hein. Des fois, tu notes le décalage de son. Ça te fait bizarre. Tu sens que le travail avait été bien fait. Mais voilà. On va attaquer un peu, discuter de l'histoire, mettre un peu dans l'ambiance pour en débattre un petit peu. Donc, ce Jurassic World, avec le premier Jurassic Park comme base, uniquement le premier. On est 22 ans plus tard. Le parc a ouvert. Il y a des spectateurs qui viennent tous les jours sur l'île pour voir des dinosaures. Et ils arrivent à un stade où il y a plus de... Le public est habitué aux dinosaures et donc il y a moins l'effet waouh. Et donc ce qui se passe, c'est que ils vont dans les... Le personnel du parc va chercher à créer un nouveau dinosaure en mélangeant diverses qualités de dinosaures originaux, on va dire. Et il va se passer divers problèmes qui vont poser problème au parc. Et on suit toute cette histoire avec deux enfants qui sont lâchés, qui sont envoyés par leurs parents visiter le parc. Et sur place, ils sont la directrice du parc et leur tante, je crois. Et donc, il va y avoir un problème dans l'intrigue avec ce rapport familial. J'ai l'impression, l'histoire en elle-même, le scénario en lui-même me paraît, il est intéressant, il est bien construit, il me paraît pas très développé. J'ai eu l'impression de revoir un Jurassic Park sans trop de nouveautés. Ouais, dans le principe, oui, c'est le scénario est à peu près basique. Hein. On remplace le grand-père par la tante, on remet deux gamins, a l'air de marcher, et puis bon, on va pas trop spoiler, mais ça va merder à un moment ou un autre, quoi. De toute façon, si vous regardez la bande-annonce, vous savez déjà que ça se passe mal. Donc bon, on peut le dire, il y a un dinosaure qui s'évade. Voilà. Oh, je mets rien. Quoi ? Je pense qu'au montage, je rajouterai peut-être une petite alerte spoiler, mais il y a un... Oh là, c'est pas la peine. Là, jusque-là, ça va. Ok, c'est dans la bande-annonce, au final. On le voit qu'il y a des problèmes avec non, ça, puis, donc... On le sait, je pense que dans le titre, on le sait déjà qu'il y en a un qui va se barrer. Non mais effectivement l'histoire est simple, comme tu dis c'est pour moi c'est exactement l'histoire du premier, hein, c'est pareil. Oui, ils ont juste mis à jour. D'ailleurs les 2 et 3 étaient un petit peu la même histoire aussi, ils inversaient juste la perspective, c'est-à-dire le 2 était un peu différent quand même. Non mais je veux dire les 2 et 3 avaient eux la même histoire en fait, c'est les humains qui arrivaient sur des îles où les dinosaures avaient été les maîtres. Élu domicile, ouais. Oui. Et là, ça reprend un peu le 1. Après, bon, partir sur un pitch comme ça, c'est... Moi, je n'avais pas d'a priori négatif. Hein. Effectivement, c'est simple, peut-être même simpliste, mais ça peut faire un bon film. C'est pas... Sur ça, il n'y avait pas d'a priori, quoi. Après, on peut en parler. C'est-à-dire, on peut en parler. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a titillé ? Je sais pas. Je débute dans le podcast de film, donc je veux pas aller trop loin dans ce que je peux dire ou pas. Non, tu peux. Essayer que ce soit logique que l'auditeur soit pas perdu, mais il y a pas de. Non, mais. Maintenant, c'est un peu du freestyle. Hein, tu peux dire, c'est pas très grave. Disons que. Le scénario, moi, voilà, le truc de base me gêne pas, en fait. Après, c'est la manière dont les choses sont écrites. Alors bon, je ne veux pas non plus parce que je vais dire beaucoup de choses, mais c'est la manière dont les choses sont, sont écrites, la cohérence un peu aussi d'un ensemble de choses et d'intrigues aussi, parce qu'il n'y a pas que l'intrigue principale, il y en a d'autres à côté. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'à un moment, il y a un peu ce mélange de toutes les intrigues. Et ben, le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'il n'y en a à peu près aucune qui tient la route, quoi. Allez, à la limite, je veux dire, l'histoire principale tient la route, mais bon, heureusement, parce que sinon, quand même, le mec était mal, quoi. Mais les intrigues parallèles, aucune ne tient quasiment la route, quoi. Aucune ne tient quasiment la route, d'ailleurs. Donc voilà, enfin, je veux dire, moi, j'étais pas arrivé en me disant j'attends quelque chose. Les bandes annonces m'avaient fait peur. Enfin, mais oui, m'avaient mis le doute. On va dire, pour être un peu moins rude. Et quand je suis arrivé, je me suis pas dit, oh, je vais voir un truc très original sur les dinosaures, quoi. Tu vois, c'est sur Jurassic Park. Et voilà, enfin bon, après, on en discutera un peu plus en détail, mais moi, je pense que l'histoire aurait dû être restée le plus simple possible, quoi. Et pas être parasité par des trucs qui ont mené à rien, quoi, au final. C'est vrai que l'histoire en elle-même, elle mène pas forcément à grand-chose. Enfin, à grand-chose dans le fait que l'histoire, la première partie du film, on va dire, la première moitié du film, j'ai l'impression que c'est plutôt bien construit. Mmh. Quand il présente le parc, il présente la vie du parc, même la relation qu'essaient d'établir les humains avec les dinosaures. Avec la scène dans la cage avec le dinosaure, l'humain qui j'ai perdu son nom d'ailleurs, avec Owen pardon, qui essaie de dominer les dinosaures, où c'est pourquoi pas, ouais. Plus mais... domestiqué ouais, que dominé, ouais. Oui, c'est ça, plus essayer de pas se faire bouffer, c'est un peu ça. Mais on voit toute la présentation du parc, la vie du parc, on a un aperçu sur diverses attractions du parc. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il commence à, comment dire, à apporter gentiment le nouveau dinosaure, le Indominus Rex, c'est plutôt bien installé. Et puis le moment où ils font l'erreur et où ils s'échappent, à partir de là, ça tombe un peu, c'est un peu brouillon derrière, j'ai l'impression. C'est un peu brouillon dans l'idée que, après l'histoire, t'as le, c'est une course-poursuite dans le parc pour essayer de sauver le public. C'est aussi, t'as le mec qui veut absolument essayer de s'imposer pour vendre sa nouvelle méthode pour faire, pour dominer les dinosaures. Et au final, on en ressort de là, tu fais, bah, en fait, ils auraient presque pu s'arrêter au milieu du film et raccourcir la fin. Elle est un peu légère, quoi, j'ai l'impression, non? Bah, très franchement, tu dis que la première heure se tient. Alors, sur le début du film, je pense que le début du film est prometteur. Alors, je sais que ça a beaucoup été critiqué. Beaucoup de choses ont été critiquées. Le parc en lui-même a pu être critiqué. Je lisais ça un peu en allant sur des forums et tout. Les gens n'étaient pas forcément très fans de ce nouveau parc qui n'avait... Alors c'est vrai un peu aussi, et je suis d'accord, mais bon, après pour moi c'est pas tellement une critique, c'est plutôt un constat, c'est-à-dire que ce parc-là n'a pas vraiment l'identité qu'avait le parc, le tout premier parc, c'est-à-dire que, le premier parc ça faisait un peu, toute proportion gardée, assez artisanal, assez... Oui. Puis même c'était un peu... C'est toujours un peu difficile de dire ça dans ce type de film, mais c'était à taille humaine, quoi. Ce parc-là, c'est quand même vraiment le grand parc d'attractions. C'est vraiment... Et on va plus loin que le premier parc qui était un parc juste de visite, quoi. C'était un truc de safari. On voyait des dinosaures, on traversait le parc. Il n'y avait pas vraiment tout cet aspect qu'il y a dans ce nouveau parc, un peu marketing, un peu avec des hologrammes, avec des trucs, des casquettes, des boissons, tu vois. Bon, bah, bref, il n'y avait pas de... Après, ça fait... J'ai l'impression que ça fait un peu... Comment dire, le gros parc industriel, oui, mais un peu. Après, bon, moi ça me gêne pas parce que c'est un peu dans l'air du temps. Et puis, au moment où on est dans le film, ça fait une dizaine d'années que le parc est ouvert. Donc, voilà, on est sur un parc d'attractions établi. Donc, je reprends ce que je disais, c'est-à-dire que le début, moi, m'a pas choqué. Même le fait que, par exemple, les vélociraptors soient domestiqués, ou en tout cas une tentative approximative d'apprivoiser. Mais non, mais je sais que ça a beaucoup choqué des gens qui étaient très fans de Jurassic Park, mais on domestique bien des lions, en tout cas on essaie de les dresser. Effectivement, il y a le côté reptile qui est peut-être un petit peu aléatoire, mais bon, on voit bien d'ailleurs dans une scène après que la domestication est quand même pas parfaite. Mais il y a ce moment où entre en action le personnage de Vico Skins, joué par Vincent D'Onofrio. Très bon acteur au demeurant, Vincent D'Onofrio. Mais mon Dieu, ce personnage, quoi. Ce personnage, moi, c'est à partir de là que j'ai. Oui. Je me suis dit, mais là, ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Il sert à rien, c'est qu'il est hyper caricatural, quoi. Il vient juste foutre la merde dans une merde qui est déjà. Enfin, il vient juste mettre le bazar dans le. Alors que le parc est déjà en état d'alerte, enfin, ça va pas bien. Puis, enfin, le film reste le oui, même, quoi. C'est vrai, oui, c'est ça, quoi. Enfin, c'est ce que tu disais au début, Fab, c'est. Enfin, il y a des petites intrigues qui se rajoutent, et au final, ou elles aboutissent pas, ou elles font rien, et lui, il en fait partie, quoi. Il joue un peu juste le rôle de poil à gratter, ou quand le parc va mal, il veut absolument essayer de s'imposer auprès des autres, et au final, voilà, ça met encore plus le bordel et voilà, c'est tout. Ouais, il fait sa connerie et il se casse, quoi. Il se casse, façon de dire, quoi. Mais au final, il sert strictement à rien dans le film, quoi. Non, mais c'est ça. Ça, c'est très vrai quand t'as vu tout le film et que tu vois, tu fais le bilan, en fait, de ce personnage-là, tu te dis, bon, d'accord. C'est comme tu disais, tu peux l'enlever. Mais moi, c'est à la limite, bon, qu'il y ait des personnages pas tout à fait utiles, allez, pourquoi pas. Mais moi, c'est le personnage, c'est son raisonnement de CE2, quoi. Et mec, bon, alors je vais spoiler un peu, donc excusez-moi, mais c'est quoique c'est pas vraiment un spoil, j'y reviendrai un petit peu, mais on va prendre des dinosaures pour faire la guerre. Alors là, bon, tu te dis, en plus le mec est convaincu de sa connerie, il vient de voir que l'autre, celui qui est censé les dresser depuis des années, a quand même failli se faire bouffer par les par les vélociraptors, et le mec est convaincu en partant que c'est vraiment une super idée, que c'est génial, que de toute façon rien ne pourra arriver de pire, quoi. Ah, mais du moment que c'est dans les pourcentages de dommages collatéraux, c'est bon, c'est quoi. C'est dans les 10% de perte. Non, mais après, je reviens sur ce que je disais, sur le fait que c'était pas vraiment que c'est pas vraiment un spoiler. C'est parce que, pour revenir un peu sur la genèse du film, pendant très longtemps, enfin en tout cas après 2001, donc après Jurassic Park 3, la volonté, c'est de faire un Jurassic Park 4, assez rapidement. Et pas d'attendre 15 ans comme ça a été le cas pour Jurassic World. Et un des scripts qui avait fuité, un des nombreux scripts qui avait fuité, c'était la question d'humains qui avaient armé des dinosaures. On les avait sortis de l'île, on les avait armés, ça aurait été une partie d'une intrigue d'un des scénarios proposés. Et quand on voit ça, quand on ne le sait pas, effectivement, ça doit paraître vraiment tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Quand on le sait, aussi, en fait. C'est ça le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, à la fin, tu te dis, mais ça n'a servi à rien. Parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive après, ce serait passé exactement la même chose au bout d'un moment. Parce qu'à un moment, ils n'ont plus... Enfin, voilà, je ne veux pas aller trop loin, mais à un moment, ils n'ont plus d'autre solution que d'agir d'une certaine manière. Comment ? Je parle beaucoup, mais c'est pas le seul aspect qui me choque sur ce film. Quoi. C'est le truc où j'ai l'impression que, quand tout à l'heure je disais qu'il y avait deux grandes parties, en fait, ça permet de rallonger l'histoire, enfin de rallonger la durée du film. C'est un très gros raccourci, d'accord. Mais c'est l'impression que ça m'en a apporté. Parce que, ouais, au final, oui, ça n'apporte pas grand-chose. Non, mais pour moi, le film, la trame de base, qui est toute basique, qui reprend, pas mot pour mot, mais enfin, presque le premier de la série des Jurassic Park. Pareil, elle partait pas mal. Il y avait le petit aspect, on essaye de domestiquer les raptors, et ça ajoutait un petit plus, parce que bon... À force de courir après sur trois films, fallait que ça évolue un peu, quoi. Oui. Et justement, ça apportait un petit plus en se disant, ça fait 20 ans que les dinosaures existent sur cette île, bah, on essaye de faire un peu autre chose que de les montrer derrière une cage. Et ouais, cette évolution-là était sympathique, ça pouvait amener quelque chose de... Et puis même, ça amène quelque chose de plus au film. Mais après, ouais, c'est tout ce qu'ils ont voulu rajouter en dehors, là. Mais en fait, ça casse le reste. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par « ils ont rajouté » Bah les, toutes les petites intrigues à côté par rapport au gros vilain dino méchant où au final, on sait pas vraiment... On a quelques éléments, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont foutu avec et ce qu'ils ont fait avec. Donc oui, le gars qui veut monter une armée de raptors, enfin c'est tout un tas de petites choses qui, au final, n'apportent pas grand-chose. Quoi. Le gros vilain dino, ça aurait été n'importe lequel autre. Enfin, c'était pareil, quoi. Peu importe qu'il l'ait manipulé génétiquement ou autre. La trame de base était simple et déjà vue, mais était bien partie et bien rodée. Enfin, avait l'air d'être bien rodée. Et tout ce qu'ils ont rajouté, en fait, la plombe un peu. C'est ce qui est dommage. Oui, bah, dans tout ce qui gêne, on peut continuer dans la liste. Hein, on peut continuer dans... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de remarques à lui faire le concernant. Moi, il y a un autre truc qui m'a, comment dire, un peu choqué, j'ai l'impression. C'est dans l'idée que le film, il s'ouvre sur les deux gamins qui vont à Lille. Et j'ai... C'était sur un petit Lille, détail Lille, pour parce vous. Parce que s'ils vont à Lille, ça aurait pas donné le même film. Pardon. Ils vont sur... Oui, pardon. Oh là là, la grosse faute. Ils vont sur Lille. Et les parents, derrière, en fait, on essaie de leur... Enfin, je trouve que les gamins, ils font trop, en fait. Il faut quelque chose pour que voir le parc et le vivre le parc de l'intérieur. Mais ça sert à rien, en fait, parce que on part des gamins... Et puis on s'y éloigne, et puis on y revient un petit peu à la fin. Et entre les deux, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, on explique un peu ce qui se passe, mais. Mais. Ils sont bizarres, je trouve. Je trouve que là, tu vois, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que je pense que tu touches un aspect qui est à la fois essentiel dans l'histoire de Jurassic Park, et je mets pas que les films, hein, je mets surtout les bouquins d'ailleurs, parce que les bouquins. C'était. Je sais pas si vous les avez lus en tout cas, mais bon, bref. Les bouquins de Crichton, c'était sa volonté, il le disait, c'était qu'il fallait qu'il y ait des enfants, fallait qu'il y ait un regard d'enfant dans Jurassic Park. Dans le premier, d'ailleurs, ils reprennent les rôles, ils inversent juste entre le garçon et la fille. Dans le deuxième, bon, ils fusionnent deux enfants pour en faire qu'un. Mais il y a toujours dans les romans de Crichton et du coup dans les films, puisque dans les quatre films, hein, c'est toujours des enfants. Toujours une intrigue avec des enfants qui se retrouvent confrontés aux dinosaures. Et moi, sur les autres, ça ne m'a pas tellement posé problème, mais sur celui-là, ça m'en a posé énormément, en fait. Parce que je me suis dit, mais c'est un film qui, comme tous les Jurassic Park, vous me direz, mais je ne sais pas pourquoi, sur celui-ci, ça m'a gêné, c'est un film qui fait toujours un peu un entre-deux, entre l'enfance, le rapport de l'enfance vis-à-vis de la fascination des dinosaures, et puis vis-à-vis aussi du fait qu'on se retrouve face à des enfants qui sont dans des situations de mort, et aussi un aspect plus adulte avec des questions qui vont de la génétique à la politique, même à l'économie, voilà. Enfin, c'est des problématiques très adultes, et tout ça dans un contexte où il y a des gens quand même qui se font bouffer à l'écran. Donc c'est un mélange quand même assez tordu. C'est assez tordu, mais bizarrement. Alors bon, après, je sais bien que tout le monde n'est pas fan des trois premiers, mais moi, pour les trois premiers, ça marche très bien. Je veux dire, ça ne m'a pas semblé gênant. Dans celui-ci, les enfants... déjà, bon, moi, je trouve que les enfants, ça fait aussi partie des personnages qui sont vraiment très mal écrits, quoi. Enfin, c'est le petit... je spoil. C'est le petit... C'est du cliché, c'est en fait. C'est le petit génie et là donc il s'en branle. Donc voilà. C'est ça. Et puis d'ailleurs, j'ajouterais qu'il y a une intrigue aussi sur ces gamins-là. C'est au début quand les parents parlent du divorce. Parce que les parents projettent de divorcer, oui. Les envoient sur l'île. Mais elle sert à rien. Elle sert on l'entend parler deux fois, quoi. C'est ça. Elle sert à rien parce que. Ils évoquent le sujet au tout début et puis pouf, plus rien, et on voit les parents apparaître à la fin. Elle sert un peu à essayer de rapprocher les deux, en fait. Mais là aussi, même ça fait très artificiel parce que c'est. Enfin bon, bref, voilà, ça se passe pas comme ça dans la vie. Enfin bon, passons cet aspect-là qui, une fois de plus, prouve qu'il y a beaucoup de personnages clichés dans ce film. voilà, moi. J'aurais un autre petit cliché à rajouter sur les parents. c'est quand la mère dit au revoir aux gamins et elle leur dit, si vous trouvez face à un dinosaure, foncez. Juste cette phrase-là, j'ai trouvé que non, ça fait trop. Non, mais c'est l'instinct maternel. Elle savait qu'ils allaient avoir des emmerdes. Elle avait vu les films. T'es dans un Jurassic Park, tu vas forcément avoir de la merde. Les trois premiers. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Fab, avant que je te coupe, non? Non, mais c'est, voilà, c'était juste ça, moi. C'était juste l'idée que je pense que... Et c'est plus global. En fait, ça sort un peu du film. C'est que je pense que Jurassic Park, et c'est un peu égoïste ce que je veux dire, parce que j'ai bien conscience que moi, j'ai 26 ans, que c'est bon, c'est fini, l'enfance et l'émerveillement devant la découverte des dinosaures. Mais je pense que pour se renouveler, pour sortir, il faut vraiment que la saga se départissent en fait des enfants quoi. Pour moi Jurassic Park c'est pas un film à mettre devant tous les enfants, d'abord parce que c'est un film très cru quoi, enfin même le premier j'ai revu des extraits pour avant l'émission, c'est quand même un film très cru quoi, celui-ci aussi me semble relativement cru, même parfois il y a même des passages de cruauté dans Jurassic World, mais moi, je pense qu'il faut que ça s'assombrisse, Jurassic Park. Faut que ça devienne quelque chose de faut que ça, enfin, ça soit surtout des préoccupations adultes. Parce que moi, je pense qu'en faisant ça, on évite ce grand écart qui est un petit peu déstabilisant et qui amène à évoquer plein de choses et finalement à en traiter de manière correcte aucune. Parce que on en a pas encore vraiment parlé, mais il y a toutes ces problématiques de génétique, d'hybridation, de spectacle, du regard du spectacle vis-à-vis de ces créatures qui sont incroyables mais qui ne suffisent plus, tout ça c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant, ça fait partie de ce que du début du film, ce qu'on peut se dire, ah tiens ça c'est bien à développer, mais le problème c'est qu'on peut pas le développer, c'est que ça reste un film qui doit toucher un public jeune. Et malheureusement, quand tu sors du... Enfin moi je suis sorti, je me suis dit mais merde quoi, il y avait tellement de potentiel à faire des bonnes intrigues. Et finalement, ça s'est vautré dans un film d'action, j'ai pas envie de dire banal, mais presque, quoi. Je me suis dit, tiens, c'était un blockbuster, en fait, que j'ai vu. Jurassic Park, c'était pas le même sentiment, je pense. C'est devenu du tout public, ouais. Là. Enfin, je suis désolé, mais tu dis que t'as revu des extraits du premier, mais si tu te souviens, que ce soit autant le premier que le deuxième... T'avais un paquet de scènes de nuit qui quand même faisait un petit peu flipper, même si tu t'attendais à ce qu'il y ait, tu voyais une scène de nuit, ça commençait à trembler, tu savais qu'il y avait un dino qui allait arriver. Oui. Il allait y avoir des morts. Mais dans les deux premiers, t'avais pas mal de scènes de nuit qui te faisaient un peu flipper quand même. Et le 3, alors je l'ai vu une ou deux fois, il est tellement bien que je me suis arrêté là. Il me semble pas qu'il y ait énormément de scènes de nuit dans celui-là. Et dans le dernier, là, il y en a, de mémoire, il y en a aucune. Si, il y en a une avec le camion à la fin ou la... Ah ouais. Il me semble. Ouais, il y en a une avec les pleins phares. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est avec la course-poursuite avec les dinos. Là. Même, je vais spoiler, même quand on voit les raptors qui discutent avec le... Ah oui, avec, visions, avec ils ont la vision nocturne. Oui, avec la vision nocturne. Bah, enfin, quand on les arme, en fait, c'est de nuit. Après, toute cette partie derrière où... Toute cette course-poursuite dans la montagne où il se retourne contre les humains, etc., en fait. Mais ouais, enfin, on a une scène comme ça, et mais ouais, au final, ouais, elle est de nuit, mais ouais, entre les caméras infrarouges qu'on voit à l'écran et le reste, c'est vrai que ça m'avait pas, tu vois, elle m'avait pas marqué tant que ça, mais ouais, c'est la seule de nuit, quoi. C'est vrai que le ressorti à l'écran fait que, même si c'est de nuit, c'est vrai que ça t'a pas... Je pense que tu dois pas être le seul à ne pas avoir été marqué par cette partie-là. Il y a la scène finale aussi au milieu du parc, mais pareil, c'est tout éclairé, donc au final, la scène de nuit, c'est comme en plein jour, quoi. Mais c'est... Mais t'as plus cet aspect flippant que t'avais dans les autres. Exactement. Je crois que c'est vraiment bien dit parce qu'effectivement, on se souvient évidemment de la scène mythique du tyrannosaure qui sort de son enclos dans le premier. Moi, franchement, je pense qu'une des meilleures scènes de la saga, tout film confondu, ça reste dans le 2, quand ils vont dans les hautes herbes et qu'on voit les vélociraptors se frayer un chemin vers eux. Aussi, pour moi, c'est une des meilleures scènes de la saga. Effectivement, c'était de nuit et on voyait... C'était suggéré, c'est-à-dire que c'était suggéré là. C'est vrai que dans celui-là, bon, il n'y a pas beaucoup... Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, la nuit tombe très vite au Costa Rica. Les journées sont courtes. Je savais pas, mais la nuit tombe à une vitesse. C'est assez incroyable. mais effectivement, même la scène qui est celle qui est la plus nocturne de la poursuite par les vélociraptors, pas méga flippante, effectivement. Mais c'est vrai que en fait, je me suis pas dit ça comme ça, mais effectivement, moi, j'avais surtout en tête les images des mecs qui se faisaient bouffer, mais c'est vrai que même là, maintenant que tu le dis, c'est peut-être plutôt mon imaginaire qui a fonctionné, et moi, j'ai vu ces trucs-là, mais à part la scène de l'assistante, je veux pas spoiler non plus, mais la scène de l'assistante qui se fait, bon bref, là que je trouve d'une extrême cruauté, moi. Je sais pas ce qu'elle a fait, l'assistante, dans le film, mais... Oui, un personnage de plus qui sert pas à grand chose. Bah, une fin, mais dégueulasse, elle. Désolé, j'ai spoilé. Elle est dans le cliché aussi de l'assistante surbookée à qui on confie une tâche où elle est pas du tout à l'aise. Et au final, elle fait son truc vraiment du coin de l'œil, elle s'en fout et finit mal, quoi. Elle apporte rien à l'histoire. Parce qu'en plus, le truc qui est con, c'est que les gamins vont y échapper très vite. Et donc, au final, un personnage qu'on aurait presque pu éviter, quoi. Elle justifie juste le fait que, que Claire ne puisse pas les accompagner dans le parc. C'est le seul truc, alors que quand il réfléchit, les gamins, il y a un ado et un presque pré-ado, ils auraient presque pu faire le parc tout seuls. Ils arrivent d'ailleurs très bien tout seuls après dans le parc. Donc elle apporte rien et sa mort est très cruelle. C'est vrai que c'est assez brutal. Et même là, pour continuer sur les scènes de les morts dans le film, la scène où t'as tous les... Comment ça s'appelle ? Un peu l'équivalent du GIGN qui va se buter, où ils sont bouffés, tu sais, tous les uns après les autres, tu sais, tu vois, t'as un grand écran où tu vois, tu sais, chacun avec leur rythme cardiaque et qui disparaissent tous les uns après les autres. Je sais pas, il manque un truc à cette scène pour que tu sois impressionné, pour que tu fasses, il s'est passé un truc de grave. Ils veulent te le montrer, mais j'ai pas la sensation de me dire, je sais pas, manquait un truc pour faire vraiment très important dans cette scène-là. Bah, il manquait vraiment la scène de combat entre l'espèce de GIGN et le dino, parce que pour l'instant... On voit le courser seulement, en fait. Ouais, jusqu'à cette scène-là, je sais plus à combien de minutes on est du début du film, mais on entend parler du fameux dinosaure qui va être le gros méchant du film, mais on voit quasiment rien. Ah oui, rien, ça quoi. C'est vrai, ça. On voit un œil, on voit un bout de sa queue, on voit trois fois rien. Et même pendant cette scène-là où il est en train de les attaquer, on le voit une fois de face, et je me rappelle même pas si on le voit en entier. Non, pas. Mais vite fait, quoi. Et après, tu vois tous les autres se faire dézinguer et basta. Mais il y a un côté que je trouve intéressant, justement, au fait qu'on ne montre pas le dinosaure complètement à la fin, on le voit complètement dans le cadre complètement. Mais au début du film, quand il est dans son enclos, où il se passe divers problèmes, quand on voit que son œil, on voit que sa queue, mon impression que j'ai eue, en y réfléchissant même un peu après, c'est que ne pas le montrer complètement, ne montrer que son œil en gros plan à travers les feuillages, que sa queue, donne une impression de gigante, qu'il est immense, qu'il est... Ouais, pareil, ouais. Vu que tu le vois pas complètement, en fait, tu t'imagines un truc, mais monstrueux. Alors, il l'est, mais tu t'imagines vraiment quelque chose de bah, trois fois plus grand qu'il est, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, de vraiment quelque chose de XXL. Et même dans l'enclos, quand tu le vois avec ses griffes, tu fais... c'est le premier signe qu'il est pas très gentil quand même. Et après, je sais pas trop comment dire. Et après, ouais, le fait de voir tout son œil, voir que ça, le sang, l'approche silencieuse, donne une impression. Il faut monter la pression sur le dinosaure, en fait. Mais c'est pareil, ça, c'est encore une intrigue qu'ils ont rajouté à celle principale, c'est-à-dire la tête du fameux dinosaure et son origine. Et au final, qui fait un flop parce que tu t'attends à un truc énorme et tu te retrouves avec un dinosaure quasiment, enfin, on va pas dire basique, mais d'une c'est taille... C'est un super tyrannosaure, en fait. Sans spoiler, ça va être compliqué de... Mais non. Mais voyez, vous parliez du fait que le dinosaure n'était pas montré en entier, et pour moi, en fait, c'est un gros problème. Parce que si tu te souviens de Jurassic Park, je sais que je fais... Et un peu, je regrette un peu de le faire, mais je sais que je fais beaucoup de références au premier, aux premiers trois films. Ça me gêne un peu parce que moi, dans mon idée, c'est pas vraiment ce que. Justement, je serais plutôt voilà, je sais bien que c'est un nouveau film et tout, mais dans les premiers, ce qui était très impressionnant, c'était vraiment ces images de plans larges où débarquait soudain le dinosaure. Alors ça m'a fait ça avec évidemment le T-Rex de Jurassic Park, la première fois qu'on le voit sortir de l'enclos, même si on le voit pas en entier les premières scènes, mais au bout d'un moment dans ces scènes d'intro du T-Rex, on le voit en entier et on mesure en fait la difficulté, enfin on mesure la taille par rapport aux voitures et par rapport aux humains. Et dans le 3, c'est le spinosaure qui fait très peur, lui, quand on le voit en entier, hein. Lui, pour le coup, quand on voit, je me souviens très bien que quand il sort dans la clairière et qu'il y a les bois derrière, quand le truc sort des bois avec son truc dorsal, tu te dis, là, t'as pas envie de faire le malin, t'as pas envie, comme les gamins font d'ailleurs après dans Jurassic World, de te marrer après, tu vois. oui. Mais moi, le problème, c'est que, et c'est un peu globalement tout le film, c'est que j'ai pas compris ce que le réalisateur voulait vraiment faire en fait de ces dinosaures. Et le cas de l'Indominus, pour moi, c'est vraiment le truc typique du mec qui voulait ne pas le filmer en entier, mais vraiment il s'y est tenu quasiment jusqu'au bout, hein, parce que même dans la scène finale, pourtant bon, on peut s'attendre à ce que voilà, c'est quand même pas non plus tout le temps en entier. Mais en fait, je vois pas très bien où c'est qu'il a voulu nous emmener avec tout ça. Mais enfin, je pense que c'est une pseudo-intrigue de pas savoir presque jusqu'au bout de quoi il est fait, puisqu'on nous dit que il est modifié génétiquement avec plusieurs dinosaures. Donc on veut pas nous montrer sa taille dès le départ, on veut pas nous montrer sa tête non plus. On nous montre quasiment rien pendant quasiment une heure peut-être sur le film. On nous montre qu'il est intelligent. Ouais, c'est on nous montre des détails. Il a des capacités. Hors norme, on sait pas, on n'y était pas à cette époque-là, qu'on n'avait pas vu jusque-là, et c'est ça. Et je pense qu'ils ont essayé de faire une pseudo intrigue là-dessus et que ça fasse un effet waouh, ah bah en fait il est comme ça, mais en fait non. En fait, quand on le voit, on s'en fout quoi. Mais c'est vrai, c'est un peu. Et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire, et c'est pour ça qu'ils mettent du temps à nous le montrer. Après, c'est quand même un dinosaure qui a un look, quoi. Pour dire ça, j'ai été prendre des images sur Internet. parce que c'est vrai que le film, tu te dis pas il a un look, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va arrêter de bouger, ou le caméraman va arrêter de bouger. Mais c'est un dinosaure qui est plutôt joli à regarder. Et moi, je suis déçu, parce que du coup, pourquoi on nous le montre pas, quoi? Je me dis, c'est dommage, au moins un plan, juste un tout petit plan. Après, tu fais ce que tu veux, tu montres la queue, tu montres quand il fait d'autres choses. Mais là, je sais pas, moi, c'était un beau dinosaure. C'est pas un dinosaure, effectivement, c'est pas un monstre, quoi. Quand on parle de l'hybridation, tu dis, oulala, qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont fait, machin, il y a du sang de tortue, il y a du sang de cheval, tu vois, tu te dis, ça va être bizarre. non, il n'y a pas tout ça. Hein. Ils ont mélangé les capacités des dinosaures, mais pas pour l'apparence physique en fait, juste au niveau de comment dire des capacités, je vais dire internes, c'est pas le bon mot, mais au niveau de l'intelligence, de ses capacités à se planquer, etc. Pas au niveau de l'apparence. Mais au final, on connaît 2-3 éléments qui ont servi à le faire, mais au final, c'est pour ça, c'est encore une intrigue qui fait un flop, parce qu'au final, on sait pas grand-chose, quoi. C'est quelque chose qui m'a intrigué, enfin que j'ai douté un peu. C'est Owen, va dans le laboratoire là, le laboratoire où ils font les recherches, et demande au mec qu'est-ce que vous avez mis dedans, quoi, pour qu'il soit comme ça, ouais, qu'il soit à la caméra, etc. Mais déjà, il n'y en a pas un qui a lu. Et puis, je me suis dit un truc, c'est un dinosaure que tu vas essayer de diriger un petit peu, mais tu ne sais pas comment il est fait. C'est pire que ça. Il n'y a pas une prise, il n'y a pas comment. Je vais quand même faire une image, il n'y a pas un mode d'emploi, entre guillemets. Il n'y a pas, il sait faire ça, donc il faut le parer comme ça. Il sait faire ça, donc pour contourner le problème, on va utiliser cette méthode-là. Non, là, c'est le mec, on lui livre un truc, c'est super dangereux, démerde-toi. Là, ah non, mais pour le fabriquer, ils ont fait comme l'été. Hein, tiens, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Ouais. Allez, hop, tu vas foutre toute la bouteille de calvados, on va voir ce que ça donne. C'est un peu ça. On a mis de tout ça dedans, vidange, ouais, bon, bah, ça va. Non, mais... Ouais, et puis il rajoute du sang. C'est pire que ça, excuse-moi. C'est pire que ça, c'est parce que toi, tu parles d'Owen, mais c'est vrai qu'Owen demande à Masrani, qui est le patron en fait du parc, le vrai patron. J'avais plus son nom. Et finalement, oui. C'est Masrani, donc le mec quand même qui est le boss. C'est lui qui détient l'entreprise, c'est lui qui détient le parc. C'est lui qui va voir le docteur Wu, justement, qui est d'ailleurs le seul personnage de la trilogie originale à revenir dans ce film. Il va voir le docteur Wu et lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce dinosaure ?» Et l'autre lui dit « C'est classé défense ». Tu te dis quand même, attends, enfin non, il dit c'est confidentiel, tu te dis, l'employé, le mec est quand même, parce qu'à mon avis, bon, même s'il a un poste important, quand même, il est toujours hiérarchiquement dépendant, et le mec lui dit, mais vraiment tranquillement, et sans que ça le choque trop l'autre, hein, qu'il peut pas lui dire, que c'est secret. Alors ça, c'est quand même incroyable, quoi. Ça, enfin, moi là, j'ai dit, non mais là, c'est pas possible. Là déjà j'avais le Vic Hoskins, ça m'avait fait mal, mais alors je me suis dit mais ça c'est pas possible quoi. Et d'ailleurs c'est après ce truc là c'est toute l'intrigue autour de l'hybridation. Moi je trouve que c'est intéressant de la manière dont là c'est pareil, les gens ont un peu réagi en disant en prenant ce dinosaure là comme étant un peu un monstre en dehors des dinosaures de Jurassic Park. Mais les dinosaures de Jurassic Park, c'est des hybrides, ça a jamais été des dinosaures purs. Enfin, c'est expliqué dans le premier très bien que ils complètent. Mais quoi. D'ailleurs le docteur Wu en question le répète, il dit déjà à la base de toute façon ça n'a jamais été enfin, des pures races, entre guillemets, c'est pas ces mots, mais c'est ce qu'il veut dire, quoi. On a toujours bidouillé l'ADN dès le départ. Bah, d'ailleurs, dans le premier, c'est ce qui leur avait joué des tours, puisqu'ils avaient découvert qu'en fait, ils se reproduisaient alors qu'ils pensaient faire que des femelles. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai vu le 1, donc cette partie-là, en tant que telle, me revient pas. Mais ouais, mais c'est ça que c'est assez étonnant. Mais même pour continuer, donc t'as abordé le sujet du mec qui investit, j'ai oublié son nom, le nom du personnage, qui est le grand chef, qui investit dans le parc, qui se fait même renvoyer bouler là à propos du quand il demande ce qu'il a mis dans le dinosaure. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis demandé pendant le début du film, qu'est-ce qu'il foutait là. Ah ben c'est encore un personnage inutile. J'ai l'impression déjà et puis au début j'ai pas percuté tout de suite que c'était l'investisseur du parc. J'ai peut-être raté un morceau, je sais pas. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'au tout début, on avait oublié de le dire clairement. C'est le mec qui a foutu de la thune dans ce parc et qui fait vivre, donc il a un œil sur tout. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là. Qu'en plus, après, oui, derrière, il sert pas à grand-chose. Il conduit un hélicoptère. Ouais, mal. On s'en fout un peu, en plus. Il donne l'image d'un patron qui. Bah, un gars qui avait du pognon à dépenser, il a acheté ça et ça marche, c'est ça marche. Un milliardaire qui a vu le parc, il a fait oh, c'est génial, il a investi dedans et puis maintenant qu'il avait son parc à dinosaures, c'est un peu. Enfin, en fait, le mec, bon, il est plutôt jeune, mais en fait, c'est un ami. Alors, pour savoir ça, en fait, il faut que vous consultiez tous les sites qu'ils ont sortis, les sites viraux autour du film. Et là, vous aurez un peu le truc. Mais en fait, c'est un ami de John Hammond, qui était, on se souvient, le papy gâteux du Jurassic Park. Et c'est le mec qui, à sa mort, en fait, reprend le parc. Il détient InGen, l'entreprise donc, qui fabrique les dinosaures. Il reprend le parc. Et donc, bon, c'est vrai qu'il n'est pas amené forcément de manière très, très, très simple à comprendre. Mais enfin, une fois qu'on comprend que c'est lui le big boss, et que sa philosophie, en gros, c'est « moi, je m'en fous de l'argent, moi, ce que je veux, c'est que les gens et les dinosaures soient heureux ». Bon, alors, tu te dis « allez, d'accord, donc en fait, c'est la version jeune de John Hammond, on va bien s'entendre ». D'ailleurs, à un moment, il le cite, il lui dit, il dit à la Claire, là, qui est directrice du parc, là... Comme John Hammond, j'ai dépensé sans compter. Vrai, oui. C'est vrai, tout à fait. Et donc, il dit ça, et plus tard dans le film, il a totalement le raisonnement inverse. C'est-à-dire, quand il y a le moment où le dinosaure hybride s'est barré, qu'il va falloir faire quelque chose, l'autre dit, il faut le tuer. Et l'autre dit, non, il nous a goûté 26 millions de dollars. Bah, tu te dis, quand même, le mec, il te tient en 40 minutes, il te tient deux discours totalement opposés. Non mais c'est incroyable. Enfin... Bah, il a dépensé sans compter la rentabilité. Non mais c'est que le gars, en fait, il a son discours, puis après, ouais, enfin bon, écoutez, il faut quand même qu'à la fin, on ait de l'argent, vous êtes gentil, mais bon. Non mais enfin moi ça c'est pareil, ça c'est un truc que mais ça te fait enfin moi ça m'a fait un peu décrocher quoi. J'ai vraiment tout fait pour rester dedans. Mais c'est le film qui m'a poussé un petit peu à me dire mais c'est pas possible. J'ai un moment je jouais avec une lunette 3D, c'est pour dire si j'étais quand même très concentré. Je mettais le doigt devant le truc, enfin, bon bref. Mais ça changeait pas grand-chose. Non. J'avoue. Non. Moi j'ai aussi toujours ce réflexe là, c'est d'enlever les lunettes 3D pendant le film. Au début, il te met toujours la 3D à fond, mais de regarder après pendant le film s'il la garde à fond. Et en fait non, au bout d'un moment, il l'allège un peu, j'ai l'impression. Et c'est un peu le cas dans ce film là. Ouais, par contre, en fait, quand t'enlèves les lunettes, ça te bousille les yeux, mais tu mets juste ton doigt devant le capteur et tu vois comme il faut, ça t'escanne pas les yeux. Et en fait, tu vois pareil. Hein. Pour 90% des films 3D, tu vois exactement la même chose. Oui, bah un détail qu'on peut aborder vu qu'on parle de la 3D, elle sert pas à grand chose dans ce film. Moi, j'ai on est d'accord. J'étais voir la version 3D parce que c'était l'horaire qui me correspondait le mieux. C'est ça, pareil. Mais non, elle apporte honnêtement, elle apporte rien. Elle apporte rien du tout. Tu vois une ou deux dents de plus près en relief, mais voilà quoi. Enfin, c'est non, c'est. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe si ça avait été filmé en 3D, non, ou si c'était de la post-prod. C'est pas filmé en 3D. J'ai pas regardé. C'était prévu, ça. Mais à mon avis, ils ont vu le prix. Ouais. Ils ont dit, non, le dinosaure, ouais. Le dinosaure nous coûte déjà 26 millions. On va pas mettre de la 3D en plus. Et en plus, il va falloir le flinguer. Non, mais ouais, de toute façon, 3D, flinguer, 3D post-prod, c'est, en général, c'est à chier, quoi. Bon, pour continuer un peu sur les personnages, un qui est, sur laquelle l'histoire construit pendant une bonne partie de l'histoire, qui est Owen, qui a le rôle un peu du mec, le mec qui s'y connaît, oui. Un peu badass, le sauveur. C'est son personnage est bien présenté au début, j'ai trouvé, quand on le voit en train d'essayer de pas se faire bouffer par les trois petits dinosaures dont j'ai oublié le nom. Oh, mais les raptors, pardon, voilà. Oui, mais après, quand il rencontre Claire, là, quand ça va mal, quand ça fout la merde, et il joue le rôle du mec badass, c'est même sur l'affiche, on le voit bien. Vous le verrez sur la pochette du podcast d'ailleurs, sur l'affiche où il est avec la moto et que les dinosaures à côté de lui, du genre, allez, on va les battre. c'est quelque chose d'assez bizarre. Et cette histoire qu'il a avec Claire, où il s'embrasse à la fin. C'est trop aussi. Bah, je pense que vous êtes d'accord. Moi, le personnage d'Owen, je me suis dit, bon, alors, d'accord. Donc, lui, on va pas s'en faire pour lui, en fait. Tu sens tout de suite dès le départ que c'est le mec qui, de toute façon, dans n'importe quelle situation, il lui restera plus que ses chaussettes il prendra la bonne décision. C'est. Le mec, non, mais tu te dis, est-ce que ses chaussettes, il peut faire une boule, il peut l'envoyer, ça va attirer le dinosaure. Il est pas perdu, ce mec-là. Mais c'est pareil aussi, c'est-à-dire que ça te met quand même pas forcément dans un état d'esprit du Jurassic Park, quoi. Tu te dis pas. Donc déjà, bon, il est beau gosse, faut reconnaître qu'il est beau gosse, faut reconnaître aussi qu'il est plutôt sympathique. Après. Par rapport aux autres personnages, il paraît forcément sympathique, en fait. Ouais, mais enfin. Après, moi, ça me gêne un peu cet aspect-là, parce que on se souvient que par exemple, tu prends Alan Grant, qui est la star un peu avec Malcolm, c'était pas des personnages aussi lisses, quoi. Même s'ils étaient pas si c'était plutôt classé du côté des gentils, des héros de l'histoire, c'était des gens qui avaient des trucs à se reprocher, mais qui avaient un peu plus de background, quoi. Ils étaient un peu plus construits. Moi, je suis désolé, mais le personnage d'Owen, je sais pas qui il est, en fait. Je sais que c'est badass, je sais que c'est un mec, c'est l'action man, quoi, c'est, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Bon, il est Navy, on le dit, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'il a fait avant? Pourquoi quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il machin? Et puis surtout, est-ce qu'il a une faiblesse, quoi, ce gars-là? Parce que bon, moi, j'étais comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de faiblesse, plus de faiblesse que lui, quoi, donc ça m'a gêné. Il arrive même à s'échapper du Indominus Rex, alors que quand même, aucun autre humain ne fait le poids face à lui, mais lui, non. Même quand il est sous une bagnole et que le dinosaure qui les sent, les humains, il arrive à s'échapper. C'est magnifique. J'ai trouvé ça quand même assez drôle. Vous en Vas-y. Pensez-vous de ce personnage, quoi, mais... Ben, enfin, sorti de de l'aspect badass, de toute façon, c'est l'homme de la situation, hein, il résoudra tout. Mais enfin dans tout le film, de tous les personnages, je crois que c'est quand même le plus sensé. Malgré l'aspect badass, je vais quand même tous les niquer et je vais y arriver. C'est un des seuls personnages qui réfléchit un peu avant d'agir et qui a un recul sur la situation que beaucoup d'autres n'ont pas. Et même si oui, on sait que c'est le héros, que de toute façon c'est lui qui trouvera la solution et qui va s'en sortir, il a quand même ce petit truc qui fait que il est un peu réaliste dans une situation qui est ce qu'elle est. Mais on voit bien qu'il est réaliste même quand il essaie de réveiller de faire réaliser à Claire que elle est jamais pied sur le terrain et que c'est pas comme ça tel que elle l'imagine en fait. Où lui, c'est vraiment l'homme sur le terrain qui connaît qui normalement connaît ses animaux. Ouais, voilà, on voit que le gars, il a passé du temps à essayer de dompter un minimum ses 3 ou 4 raptors, je me rappelle plus combien il y en a. 4. Il y en a 3, il me semble. Ouais. 4. Ouais, il y a Blue, Delta et. Il y en a un qu'on perd. Ah oui, non, 4, pardon. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais enfin, on voit le mec censé. Enfin, même si on connaît pas grand chose du personnage, on voit qu'il a passé du temps à essayer de dresser ses 4 raptors et qu'il a une vision des dinosaures beaucoup plus réaliste que les généticiens, les exploitants de parcs et le reste. Et du coup, ça te donne un petit peu plus d'intérêt au personnage, à ce personnage-là par rapport aux autres. Vrai que j'étais assez négatif, mais effectivement, enfin, c'est déjà un personnage attachant parce qu'effectivement, lui, il est censé, même si, il essaie quand même de dompter des raptors, mais. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le plus insensé dans le scénario. Justement, c'est la petite évolution, moi, que j'ai trouvé bien sympathique. Ils ont voulu faire évoluer le Jurassic Park, entre guillemets. Donc maintenant, on s'est fait courser par les dinosaures dans trois films. Maintenant, il serait peut-être temps de faire autre chose avec. Quoi. Mais il est... De toute façon, c'est le personnage le mieux de l'histoire. Enfin, à moins qu'il y en ait un qui m'ait échappé, que le mec n'avait pas de dialogue. Je pense que c'est franchement le meilleur personnage de l'histoire à tout point de vue, quoi. C'est le plus construit, même s'il n'y est pas totalement, c'est le plus construit. Enfin, voilà. C'est celui qui s'en sort le mieux, on va dire. pardon. Au niveau des personnages, je sais pas si vous avez encore des remarques à faire sur des problèmes ou même des trucs que vous avez remarqués, que vous souhaitez mentionner. Autrement, je pense qu'on a fait quand même un bon tour à ce sujet. Je vais peut-être spoiler, mais pour un acteur français, Omar Sy, il a un second rôle et il meurt pas à la fin. Mais Omar Sy, j'ai l'impression en ce moment, c'est un peu comme il apparaît à l'image, on l'entend dire 2-3 trucs et il s'en va. Il a un rôle qui sert pas vraiment à quelque chose. Enfin, c'est pas le pire qu'il ait eu dans celui-là. Non. Et je sais pas, alors peut-être qu'après, vu qu'on le connaît, parce que c'est vu qu'on l'a vu dans d'autres films, non, mais c'est ça. On fait c'est Omar Sy, on est déçu de son apparence. Ouais, imagine que c'est un acteur que t'as jamais vu. Est-ce que très franchement, tu t'intéresses à ce gars-là? Non, autrement, je ne remarque pas le personnage et je fais il est là, puis voilà. Pour être tout à fait honnête, oui, si ça n'avait pas été Omar Sy, j'aurais pas fait gaffe. Hein. Mais... j'ai un peu cette image-là comme Jean Dujardin dans les films qu'il fait à Hollywood de temps en temps où il passe. On fait très attention à lui parce qu'il est parce que c'est un acteur français qu'on connaît bien, mais au final les rôles sont pas très importants pour eux pour l'instant. Petit aparté vite fait, c'est justement tu parles de Jean Dujardin. Si vous avez vu Monument Man où il est aux côtés de grands acteurs américains, dans les premiers à être à mourir, on a Jean Dujardin. Et là, j'étais curieusement surpris que Omar Sy, oui, j'ai fait attention à lui parce que c'est un acteur français et puis que j'aime assez le personnage. Et au final, oui, il a un second rôle, hein. Faut dire ce qu'il est. Hein. Ouais. On pourrait même dire un troisième rôle au final. Hein. C'est un rôle un peu loin, un peu de. Mais pour faire beau à côté. On le voit quand même assez régulièrement et il s'en sort pas trop. Oui, non, mais c'est. Moi, très sincèrement, j'avais peur. Je pensais pas qu'il passerait le tronc d'arbre. Ouais, moi... Mais finalement, tout s'est bien passé. Ah, oui. Moi, je le voyais bien finir le bras dans la main d'un autre personnage et. Voilà, pour ceux qui ont vu l'un, ils comprendront. C'est vrai, ouais. Se faire bouffer par un dinosaure, ouais. Autrement. Mais non, là, oui, il s'en sort sans une égratignure, là. Voilà, gros spoil, mais voilà. C'est et comme ça. Si, pour les personnages, je voudrais quand même revenir sur Claire, parce que je pense que c'est beaucoup de caricatures, oui. Je ne veux pas faire long sur Claire, mais au début, c'est une femme, de responsabilité, une femme qui ne veut pas d'enfant, et donc une femme, et donc une mauvaise femme, en fait. Si on, la manière dont elle nous est présentée, c'est il y a la mère des enfants, donc la sœur qui, elle, est une femme accomplie, mais qui a des enfants, donc c'est positif, et t'as Claire qui est très engoncée dans son qui est très stricte, son look est d'ailleurs très strict, c'est très droit, c'est voilà, ça file droit, et qui elle n'aime pas trop les enfants, et tout le déroulé du film, c'est la modification, l'évolution de son personnage jusqu'à bon, je spoil pas, mais bon, bref, enfin si, je spoil jusqu'à la fin, oui, ouais, il y a pas de gros spoil le mec là à la fin disait oh merde, on a tout spoilé en fait, et mais enfin voilà, Claire, moi j'ai trouvé que c'était typiquement le rôle de femme à responsabilité hollywoodienne, quoi. C'est-à-dire que au début c'est droit, c'est strict, c'est austère, c'est mal même, et à la fin c'est bien. Mais c'est Claire, c'est le personnage, c'est le gros cliché, ouais. De film à l'eau de rose américain où t'as la bonne femme qui est chef d'entreprise ou directrice d'un grand parc animalier et qui va quasiment tout plaquer pour le héros. C'est voilà, c'est ouais. Un peu le cliché quand même dans le film là. C'est ouais, elle passe du tout au ouais. Tout. Ouais, elle passe tellement du tout au tout qu'au début, c'est elle qui mène le parc du début à la fin, enfin qui dirige bien le parc bien droit, et à la fin, elle Owen, logiquement, si tu suis la logique, dans la hiérarchie, il est en dessous elle. Et au final, ah, à la fin du film, hein, c'est ça. Et au final, plus t'avances dans l'histoire et plus les positions s'inversent. C'est-à-dire que plus il y a Claire qui va suivre Owen, en fait. Bon, après, d'accord, c'est pas. Elle est enfermée dans son. Enfin, elle est pas au contact des dinosaures, elle est enfermée dans son bureau, dans les locaux. Donc, elle a pas de contact vraiment avec les dinosaures, avec la Terre, on va dire. Mais. Ouais, elle apporte pas énormément, elle est assez bizarre, c'est trop cliché, ouais. Après, tu dis qu'il apporte pas énormément. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est quand même un personnage important de l'histoire. Ne serait-ce que parce que effectivement, elle évolue. Alors, il y a l'évolution cliché, mais il y a aussi l'évolution un peu plus fine. C'est-à-dire de quelqu'un qui va servir de sa position. Avant, elle se servait pas vraiment de sa position. Elle était dans cette position. Elle assumait ses responsabilités. Elle avait quelqu'un à qui référer. C'était Masrani, mais à un moment, Masrani n'est plus là. Et à ce moment-là, elle prend des décisions qui sont d'ailleurs un peu contraires à ce qu'elle aurait sans doute fait au début du film. Mais elle prend ces décisions-là parce qu'elle est dans cette position-là et parce que son personnage évolue tout au long de l'intrigue et se rend bien compte qu'il faut agir. Et d'ailleurs, sa dernière décision qui mène à la scène finale est d'ailleurs très, très révélatrice parce que finalement, là, c'est quand même la pire décision à prendre pour la directrice du parc, quoi. Relâcher le tyrannosaure. Donc à ce moment-là, elle est complètement sortie de son rôle, elle se sert de ses responsabilités, mais elle est sortie de son rôle, et c'est toute cette évolution. Moi, pour moi, c'est vraiment un personnage intéressant. C'est, ça change un petit peu du 3, où la femme était quand même quasiment inutile hein, dans le 3. On retrouve une femme active, en fait, dans ce Jurassic Park-là. Ah ben si, dans le 3, il y avait Téa Leoni qui... Hommage Désolé. Oh non, merde, j'avais pas vu. Bon, on a fait, je pense, un bon tour quand même à propos de l'histoire du film et de... Enfin, oui, de l'histoire du film, forcément, et des personnages plus ou moins importants qu'on a vus. Peut-être mentionner peut-être moi aborder légèrement le sujet de la partie musicale, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et j'aime bien aller jeter une oreille après, généralement, sur la bande originale, notamment préparer quand je fais une émission. On retrouve le thème de Jurassic World, hein, ils l'ont à peine... de Jurassic Park, pardon, ils l'ont à peine modifié. Après, dans le film, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup entendu, alors pourtant, quand tu vas regarder la playlist sur Internet, il y a pas mal de morceaux, mais ils sont vraiment en accompagnement, et ils servent très très peu. Elle apporte pas énormément, le thème est juste légèrement repris au début pour vraiment te rappeler que c'est Jurassic Park, On retrouve bien la même musique que vous connaissez tous, le même thème que vous connaissez tous. C'est tout. Il y a rien, je pense, de plus à dire là-dessus. Donc c'est. Ouais, bah ouais. C'est un sujet que j'aime bien. Je vous avoue que j'ai quand même rajouté dans ma playlist de musique de film parce que je le trouve sympa. Mais je pense que si j'avais pas prêté attention pour l'émission, je l'aurais pas noté et je l'aurais jamais écouté en plus, à mon avis. Ouais, bah la musique. En fait, il y a tout un tas de trucs dans le film. On en a pas parlé jusque-là, mais enfin le film, moi je l'ai, même si j'ai dit quelques trucs pas très bien dessus hein, jusque-là, je l'ai bien apprécié parce que j'avais aimé le 1 et qu'il y a tout un tas de clins d'œil, surtout au premier, tout du long. Que ce soit, bah, tu dis la musique, le thème principal, il est repris. Il y a même des hommages à Jurassic Park. Un sujet qu'on a oublié. Des hommages à Jurassic Park au premier. Il y en a tout du long. Il y en a d'un bout à l'autre. Il y a. Fab, tout à l'heure, tu parlais de Claire qui libère le T-Rex. Elle le libère comment? De la même façon que dans le 1, ils attirent le T-Rex plus loin. Enfin, ils essayent d'éloigner le T-Rex de la voiture des gamins dans le 1. Avec une fusée éclairante rouge, même couleur et tout. Et pas les mêmes plans par moment, mais limite, quoi. Tu vois la tête du T-Rex qui apparaît et qui se barre, quoi. Enfin. Mais puis oui, puis t'as un petit ça va spoiler à mort là. Oui, je pense que t'as déjà pas mal vendu le film, tu peux spoiler. Je pense que là je mettrai un alerte spoiler pour l'émission. Le passage dans le vieux bâtiment de l'ancien parc où on voit les peintures de Raptor. L'ancien hall. Ouais, il y a l'ancien hall, il y a un des plans dans la cantine où les gamins du premier pensaient être saufs et d'un seul coup sur la fresque avec les raptors voient une ombre d'un raptor mais d'un vrai ce coup-ci. Il y a les 4x4 qu'ils essaient que dans Jurassic World ils veulent remettre en marche, qu'ils retrouvent dans un vieux garage. Alors, peut-être que c'est mon côté où j'aime un peu les voitures qui a fait que ça m'a fait tiquer. Comment le mec, il remet une voiture en marche alors que elle a quand même pris la poussière. Tu sens qu'elle l'a pas utilisée souvent. Mais il la remet en marche quand même super rapidement. On parle des dinosaures. C'est hallucinant. Des capacités incroyables dans ce film. Mais les enfants ont des capacités incroyables aussi. Parce que c'est quand même des gamins qui sont pas traumatisés par le fait d'être poursuivis par un animal sanguinaire. C'est des gamins qui se sèchent très vite. Elle voudrait quand même attirer l'attention sur le fait que les mecs plongent quand même dans une cascade, enfin dans une rivière pour échapper à l'Indominus Rex. Plus tard, c'est pas non plus 5 jours, c'est 5 heures. Enfin, allez, je suis gentil, je dis que ça se passe 3 à 5 heures après. Je pense que même je suis très gentil. Et ben, le gamin va sortir un paquet d'allumettes, mais totalement sec de son sac banane d'ailleurs. Donc ça, je voudrais le signaler. Il y a un sac banane dans Jurassic World qui n'est pas crédité au générique, et c'est bien dommage. Faut savoir que c'est au Costa Rica, c'est un climat chaud humide, donc ça sèche forcément très vite. Et donc ces gamins-là, pas traumatisés et tout à fait secs, se retrouvent avec des capacités de mécanicien incroyables. C'est des gamins, au début du film, t'as quand même l'impression qu'ils savent pas faire grand-chose non plus. Tu vois bien que le petit est vif d'esprit et assez intelligent. Le grand, il a l'air de se foutre de tout, mais le grand s'est souvenu quand même comment réparer une voiture. Ils l'ont fait avec tapis, c'est pour ça. Non mais souviens-toi. Ouais, fin, c'est le premier truc qui m'a fait rigoler quand j'ai vu cette voiture qui redémarre, qui dépoussière. Alors l'hommage est joli, mais quand je la vois repartir, tu fais non quoi. Et même il y a un autre hommage que j'ai trouvé, hommage qu'on pourrait dire, c'est quand ils sont dans la sorte de salle de contrôle du parc où il y a un des mecs qui sont les bureaux là qui a un t-shirt avec le grand logo Jurassic Park. Et que Claire, elle lui demande de l'enlever. Ouais, parce que c'est un peu le symbole d'échec. J'avoue que le mec, c'est mauvais genre. Oui. Vous savez. Non, mais. C'est un peu ça. Enfin, oui, de toute façon, c'est bourré de clins d'œil, mais d'un bout. Alors, moi. C'est pour ça qu'au final, je l'ai apprécié malgré tous ses défauts. Parce que, voilà, c'est un film que j'avais vu il y a maintenant. Il est de 93, le premier, donc il y a 22 ans, quoi. Mais après. Mais ça rajeunit pas tout ça, mais voilà, c'est un des premiers films que j'avais vu au ciné avec mon père, et du coup j'ai toujours aimé ce film-là. Et ouais, le revoir, Jurassic Park World m'a fait plaisir pour les coups d'œil, pour les clins d'œil, pardon. Mais après, oui, il a des défauts quand même. Mais tu parlais de la musique Oasis. Moi, j'avoue que c'est si je devais noter le film et si je devais mettre des points, il y aurait un ou deux points pour la musique, parce que il y a ce frisson incroyable quoi, quand t'es dans le ciné, que t'entends, tu réentends la musique pour la première fois. Oui. C'est incroyable quoi, parce que tu te souviens de tout, tu te souviens de ce ressenti. Alors moi, j'ai pas eu la chance, parce que je considère que c'est vraiment une chance de l'avoir vu au cinéma le tout premier, et puis j'ai pas été revoir la version 3D. Moi, j'y avais été. Ouais. Bah, j'étais pas en âge de pouvoir le voir le premier au cinéma. Mais théoriquement, bon, non allez, plus, mais... ça passe. Mais j'avoue que voilà, quand j'ai réentendu la musique, comme tu disais, j'ai pas prêté attention au reste de la musique. Mais le thème principal, voilà, il revient quand même assez revient souvent. Il y a une instrumentalisation qui est quand même très liée à ça. Mm. Mais je trouve qu'il est utilisé à bon escient pour le coup, le thème musical. Mm. Oui, oui. Après. Il revient ouais, souvent, ouais, mais au bon ça. Moment, et c'est, des fois c'est juste quelques notes, mais ouais, c'est ouais, toujours bien placé fait. Quand même. Et pour ce qui est des clins d'œil, alors moi je vous avoue que la première fois que j'ai vu au cinéma, ça m'a quand même énormément, enfin pas choqué, mais ça m'a un peu embêté en fait, tous ces clins d'œil. Je me suis dit non mais là c'est trop quoi. Enfin, autant la première partie, c'est pas énorme, il y en a quelques-uns, mais c'est pas énorme, ou alors c'est dans des situations, donc ça passe un peu. Mais alors la deuxième partie, je trouve que... Alors vous parlez, ouais, effectivement, quand ils arrivent dans le hall... Alors, bon, sur ce point-là, je veux pas être très tatillon, mais enfin, ils ont laissé le hall tel quel dans un espèce... je me suis dit, bon... C'est bon, ce que alors, je me suis dit aussi. Faire un gros clin d'œil, ils se sont quand même dit, bon, allez, on va dire qu'ils ont pas touché au hall, qu'ils ont laissé la jungle reprendre ses droits dessus. Bref, ils ont rien touché, hein. Ils ont rien touché. Je suis même pas sûr qu'ils aient été chercher les cadavres. Hein. Heureusement qu'on n'était pas en odorama. Bah, ouais, ils ont même laissé les vieilles types. Hein. Mais dans cette partie-là, là, c'est bourré de clichés. Enfin, bourré de clins d'œil, pardon. Et je rajouterais à ce que vous avez déjà dit les lunettes de vision nocturne du premier qui sont ah oui moment. Aussi oui il y a bien sûr la banderole qu'on voit tomber dans la dernière scène de Jurassic Park et qui mmh. sert d'ailleurs à faire une lampe torche d'ailleurs avec un des os fossilisés du dinosaure voilà de T-Rex enfin bon bref moi ça en sortant je me suis dit mais merde quand même est-ce que j'ai vu un nouveau film ou est-ce que j'ai vu une collection de diapos de 93 en fait j'étais un peu comme ça mais après très sincèrement en le revoyant ça m'a moins choqué et puis surtout je pense que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce que même si bon alors c'est ce que je vais dire ça pourra être peut-être l'objet d'une partie un peu finale de notre discussion mais c'est ce film là il est un peu difficile à classer en fait dans ce qu'ils veulent faire en fait parce que c'est effectivement on voit bien que c'est un film hommage dans énormément de choses quoi. Enfin, je veux dire, c'est moi l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était pieds, le film était pieds et poings liés à Jurassic Park quoi. Que alors est-ce que c'est le réalisateur, est-ce que c'est la production qui ont plus insisté ou je sais pas. Mais à un moment, je me suis dit, même si c'est pas forcément toujours à mauvais escient, c'est beaucoup. C'est énormément de clins d'œil. Et je sais pas, ça m'a un peu renvoyé à 93, enfin au film de 93. Et je me suis dit, bah, c'est dommage quand même d'être un peu enfermé là-dedans. Et vous parliez du mec justement qui avait le t-shirt Jurassic Park. Je pense que lui, c'est un peu le. Il représente, je pense, la conscience en fait de l'ancien parc, lui. Je crois que c'est son rôle en fait. C'est pour ça qu'il oui, a le t-shirt. Ça, c'est que ouais. Ce mec-là, c'est un peu le partisan de voilà du Jurassic Park artisanal des débuts. Il voit les dérives et tout. Il dit c'est pas possible, machin. Il a des dinosaures partout sur sa console de contrôle. Et lui, c'est vraiment l'impression qu'il m'a. D'ailleurs, il n'était pas mauvais cet acteur-là hein, dans ce truc-là. Il apporte une petite touche comique parfois. Mais bon, voilà. Enfin, moi, tous ces clins d'œil, ça, c'est pas que ça m'a forcément choqué, mais ça m'a un peu gêné, quoi. Je me suis dit merde, c'est dommage, quoi. Au moins ceux à bon escient étaient sympas, mais ceux qui étaient un peu gros, genre les lunettes de vision nocturne, sans déconner. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin. Ah, c'est pas le plus. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était le plus gros celui-là. Celui-là, tu vois, j'ai trouvé sympa. C'est plus le, ouais, le hall dans que... le même état où on n'y a pas touché. Et on a laissé 2-3 Jeeps rouillés dans le garage parce qu'on s'est dit, bah, pff, comme on dépense sans compter, on en a branlé. Hein. Elles peuvent encore marcher, mais on va les laisser là rouiller. Après, ouais, les lunettes, qu'ils aient laissé les lunettes dans un coin. Non, c'est pas ça, ouais. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Mais sinon, oui, je te rejoins assez sur l'ensemble. Ouais, c'est... Ben ouais, c'est... Au final, le film est sympa pour le gros coup d'œil, enfin, pour le gros clin d'œil, mais... Mais moi, après, ce que je me demande, c'est... Puis... Parce que moi, j'ai cette position-là, mais je sais que en allant sur la communauté de Jurassic Park, c'est vraiment très... Enfin, c'est pour le coup, vraiment, l'objectif du fanservice est vraiment réussi, quoi. Parce que les gens sont contents d'avoir revu tout ça. Ah oui, oui. Moi, c'est pas que je suis pas content, mais c'est que je me dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, en fait, de vouloir autant qu'il y ait des choses qui ramènent à l'ancien. Enfin, je peux comprendre qu'on ait beaucoup apprécié l'ancien, mais je comprends en fait pas qu'on ait presque envie d'un reboot. Et pour moi, c'est un peu l'impression que j'ai de ce film. C'est-à-dire que l'histoire, bon, allez, c'est la même à la louche. Les clins d'œil se multiplient. Ah oui, oui. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça dommage. Alors, je sais bien que dans un parc d'attractions de dinosaures, on peut pas non plus avoir 250 éléments perturbateurs. Ça, je suis bien d'accord. D'ailleurs, je pense que, très sincèrement, il y en a à peu près un. Donc, il l'exploite, je comprends. Mais je sais pas, ça m'a renvoyé à ça. Et je me dis, c'est dommage, quoi. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être ça le but. Et bon, mon cœur balance. Ouais, bah, c'est... Oui, c'est assez bon. Il y a des remarques un peu de partout. Ça m'a pas choqué plus que ça. Après, je n'ai peut-être pas tout saisi pour ma part, mais c'était plutôt intéressant quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Autrement, on va penser à finir l'émission. Ouais, bah, ouais, vite fait. Ouais, moi, par rapport au film, ouais, ce qui m'a plu, c'est plutôt l'aspect clin d'œil. Parce qu'après, ouais, c'est quand même le premier, a quand même 22 ans. Entre-temps, on a eu le 3 qui était pas le meilleur, loin de là. Et en fait, repartir pour les nouvelles générations sur Jurassic Park World, qui fait énormément de références au premier, mais qui au final est pas si catastrophique que ça. Moi, je lui ai trouvé des défauts parce que j'ai vu les autres. Et que du coup, bah, c'est, pour moi, il y a certains trucs, c'est du réchauffé. Mais quelqu'un qui va débuter sur celui-là, c'est difficile à dire s'il va apprécier ou non, mais c'est pas le pire pour attaquer. C'est, voilà, justement, il y a des références au premier, bah, le scénario, oui, c'est quasiment le même. Donc voilà, ceux qui ont vu les premiers, bah, du coup, c'est l'aspect nostalgie qui l'emporte sur le reste. Donc du coup, on l'apprécie un peu, ça a été mon cas. Il y en a peut-être qui vont le détester parce qu'ils vont ils vont trop retrouver le premier, ça peut se comprendre aussi, mais ouais, après pour ceux qui attaquent sur celui-là, c'est peut-être pas le plus mauvais. Alors Oasis, tu vas me tuer parce que j'ai encore pas mal de trucs à dire. Alors ça c'est l'habitude. Ouais, vas-y, certains hein, autres podcasts que je ne citerai pas tout de suite en tout cas, qui te donnent des libertés incroyables. Alors j'ai essayé de faire court dans ce que moi, il y a un dernier truc, enfin deux trucs que j'ai pas aimé, après je passerai sur ce que j'ai aimé. Ce que j'ai pas aimé, moi, c'est la manière dont les dinosaures étaient traités, parce que j'ai eu l'impression, pour une des premières fois de la saga, qu'on considérait vraiment les dinosaures comme des personnages à part entière. Mais des personnages humains, en fait. Moi, ce qui me gêne un peu, et bon, alors malheureusement, j'ai pu constater, là encore, en allant un peu sur les forums à droite à gauche, que il y en a qui appellent le tyrannosaure Rexy. Tu vois, genre, ça, c'était vraiment... c'est un animal de compagnie, ou en tout cas, c'est un vrai personnage de l'intrigue. Moi, justement, je trouve qu'on apprécie mieux Jurassic Park en ne s'attachant pas trop aux dinosaures en tant que personnage, mais voilà, évidemment qu'on s'attache aux dinosaures, c'est quand même pour ça qu'on va au cinéma. Mais j'ai trouvé que dans ce film-là, et je crois que la fin, moi, la fin est terrible pour ça, parce que dans le premier, ça se termine sur les vélociraptors qui entourent tout le monde et qui vont les bouffer, et à la fin, le tyrannosaure arrive, les sauve, mais il sauve pas les gens, en fait, le tyrannosaure, il vient juste bouffer les vélociraptors. Enfin, c'est à ça que ça lit. Dans celui-ci, il y a quand même une alliance, une vraie alliance entre les humains, les vélociraptors, et se rajoute le tyrannosaure qui, quand même, vient sauver tout le monde à la fin. D'ailleurs, bon, la scène finale qui, je reparlerai plus tard, mais bref, moi, et puis alors, il y a cette image un peu de la fin du gros combat, où on voit l'Indominus qui est face au tyrannosaure et au vélociraptor qui sont, voilà, c'est vraiment, les deux sont ensemble contre lui, et on sait très bien que le vélociraptor, c'est dans un but qui est celui de protéger, en fait, les humains du film. Et même si le de dompter, enfin, en tout cas de dresser les vélociraptors, ça m'a pas choqué. Moi, l'alliance de fin, un peu, et alors ça me fait penser un peu à Avengers, en fait, tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, cet appétit pour la destruction, cette alliance contre le méchant, ça me fait penser à Avengers. Je me suis dit, ça, c'est marrant, je l'ai déjà vu, cette fin. Moi, ça m'a complètement... ça m'a emmerdé, parce que moi, quand je regarde Jurassic Park, je me dis pas, je veux voir des personnages dinosaures. Non, je dis, le danger, c'est les dinosaures. Alors que j'aime bien voir tel ou tel dinosaure, que je sois plus attaché à telle ou telle espèce et tout, oui, mais que ça devienne carrément des personnages, parce qu'à la fin, le tyrannosaure s'en va, quoi. Le mec se barre, enfin le dinosaure se barre sans poser de problème. Même chose pour le vélociraptor. Ils s'en vont sans poser de problème alors qu'il y a quand même quatre humains qui sont à côté d'eux. Dans le premier film, ça n'arrivait jamais. Hein. Ça n'arrivait jamais, quoi qu'il arrive. Donc ça m'a gêné. Et puis, ce qui m'a gêné aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, mais donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est le fait de ne pas avoir développé les aspects question de l'hybridation, de la génétique. Mais ça, c'est un peu malheureusement le problème de Jurassic Park. C'est-à-dire que si tu veux aller dans ce truc-là, tu ne peux pas non plus faire un film divertissement. Donc ça, à la limite, je serais moins catégorique, ça m'emmerdera moins. Mais malgré tout, il y avait des intrigues intéressantes. La question du spectacle que les spectateurs veulent toujours, que les gens veulent toujours... Alors je le fais très rarement, mais l'article d'Allociné, l'article d'Allociné sur la question notamment de comparer Jurassic World à Hollywood, même si moi je suis pas d'accord, parce que je pense que c'est juste, enfin si c'était le cas, et ce serait pas ce film-là qu'ils auraient fait. C'est-à-dire si tu dis que c'est pour montrer les dérives d'Hollywood en faisant une espèce de métaphore de dérives d'Hollywood avec Jurassic World, d'accord, mais alors à ce moment-là il faut pas la scène finale, quoi. Parce que c'est typiquement une des dérives du cinéma hollywoodien actuel et des blockbusters. Mais voilà, donc je trouve au moins, pour l'idée que développe cet article, je trouve intéressant de le lire. C'est rare quand Allociné a des contenus intéressants, donc il faut quand même le signaler. Donc ça fait partie des trucs. Alors je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais moi ça fait partie vraiment des derniers trucs que je reprocherai au film. J'aurais rien à rajouter, t'as fait un bon tour, je pense. Milou, peut-être ? Ouais. Après moi, l'aspect que tu dis là, que le raptor s'allie au T-Rex, toi, moi je l'ai vu plutôt dans l'aspect, c'est deux dinosaures qui s'allient contre un dinosaure qui est contre nature, alors qu'eux aussi ils le sont techniquement, mais oui, mais c'est plus, vrai, quoi. C'est vrai, il y a cet aspect là. Je l'avais plus vu dans ce sens là. Après, à t'écouter, c'est vrai que c'est vrai qu'après, bon, ils ont bouffé... enfin, merde, j'ai spoilé. Ils ont tué le méchant, mais bah après, ils repartent chacun dans leur coin. Pour le raptor, ça peut se comprendre, vu qu'elle a été domestiquée. Pour le T-Rex, un peu moins. Parce qu'on ne l'a pas vu donner la patte ou quoi que ce soit avant. Il aurait pu, d'ailleurs. Mais, ouais, peut-être, mais il a des petites pattes, hein, c'est pas facile. Même, c'est mais ouais, non, ouais, à part cette partie-là, où moi, je ne l'ai pas vu... Je l'ai pas vu comme toi, l'ensemble, je suis assez d'accord. Et après, la scène finale du dernier, c'est exactement la même que le premier. Hein. C'est le T-Rex qui gueule parce qu'il a gagné. Dans le 1, il gueulait dans le hall. Et dans le 4, il gueule sur le toit de l'immeuble ou je sais plus où, là. Mais c'est exactement... c'est peut-être pas exactement le même plan, mais pas loin, quoi. C'est un clin d'œil supplémentaire au premier. Même à la fin du film, on revient, on te rappelle que ça se base sur le premier Jurassic Park. Ouais, un énorme aspect, de toute façon, fan service dans ce film. Et c'est ce qui fait que j'irai sûrement le revoir pour le plaisir, mais voilà. C'est plus un divertissement qu'un bon film, on va dire. Ouais. Vas-y. Après... pardon de te couper. Moi, j'ai surtout l'impression que, imaginez, on vous balance ce film avec le côté fin de service, mais vous n'avez pas qu'on n'a pas eu les anciens Jurassic Park. Comment vous pensez que vous l'auriez encaissé ce film? Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait du fin de service, ça plaise à fait qu'il marche bien? Et est-ce que s'il n'y avait pas ce fin de service, ce serait décevant, quoi? Enfin. Il est quand même. Il y aurait beaucoup de trucs en moins qui plairaient pas. Et je trouve qu'il joue beaucoup, peut-être même un peu trop là-dessus. Bref, ouais, c'est pas évident. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure pour les nouvelles générations qui n'ont pas vu les anciens, est-ce qu'il peut plaire, est-ce qu'il peut pas plaire. Je suis mal placé pour dire parce que Enlever tout ce que je connais des premiers et juger celui-là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah, c'est pas facile, ouais, comme question, parce que... Oui, bah... Même... Ouais, je sais pas. Et ouais, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, celui-là, il a clairement été fait pour tout public, quoi. C'est ce qu'on disait par rapport aux deux premiers, qui étaient beaucoup plus noirs. Enfin, celui-là, voilà. Après, il y a l'aspect fanservice et compagnie, mais... J'ai sursauté à quelques moments, mais il y a pas un moment où j'ai eu peur, quoi. Non, j'ai sursauté aussi, mais pour avoir peur... Alors que je me souviens, le premier, quand je l'ai vu, oui, j'ai flippé à certains moments. Ouais. C'est clair et net. Mais c'est vrai que c'est pas facile, en fait, de se mettre dans la peau de... Enfin, moi, ce que je pense, c'est que même si j'ai dit qu'il y en avait trop, je pense pour autant qu'ils étaient pas non plus... ils accaparaient pas l'écran à ce moment-là. Et donc, même si t'as pas la référence, et je pense que c'est le cas de... Enfin, et encore, je suis pas certain, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants... je pense que même si t'as pas les références, ça passe en fait. C'est parce que c'est là où je vais en venir un peu à ce qui est positif, c'est que comme tu disais tout à l'heure, Milou, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis sorti, j'étais content, mais j'étais vraiment content en fait. J'ai passé un bon moment. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parais un peu négatif, mais j'ai passé un bon moment en regardant ce film. Je me suis pas énormément pris la tête sur ce qui m'a choqué. Ça m'a choqué, mais je l'ai accepté. J'ai accepté de me dire que visiblement ça allait pas dans un sens que j'aurais voulu voir, mais que ça allait dans un sens qui était propre à ce film-là. J'ai trouvé, alors on n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient bons. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Oui, c'est ouais, pas non, très choquant. Enfin, Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, sur les effets spéciaux? C'est pas que ça m'a choqué, mais c'est... on parlait du premier que j'avais vu à l'époque. Bon, à l'époque, c'était une révolution au niveau des effets spéciaux. Hein, entre la... Merde, j'ai rebouffé le nom. Ils avaient fait des effets spéciaux, et ils avaient fait aussi des maquettes robotisées. Il y a un nom spécifique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Entre l'animatronique du premier et les effets spéciaux du premier, à l'époque, il y a 22 ans, c'était une révolution ce qu'ils avaient fait. De donner vie à des dinosaures, c'était phénoménal. Et sur le 4, en fait, il y a pas cet effet, quoi. C'est rien de plus que ce qu'on connaît. Et c'est même limite, pour avoir revu le 1 au cinéma quand ils l'ont ressorti en 3D, c'est aller un poil au-dessus. Mais pas bien plus, quoi. C'est pas aussi spectaculaire au niveau des effets spéciaux, le dernier. Ça, tu vois, j'aime bien ta critique, parce que je trouve qu'elle est quand même plus sensée que ce que, là encore, j'ai pu lire, parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment assassinent le film sur l'aspect effets spéciaux. Alors, c'est vrai que la prouesse... Bon, l'assassiner, oui, c'est facile. Moi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'assassiner, c'est vraiment rude, quoi. Enfin, je trouve que... alors, effectivement, tu le rappelles, je veux dire, la prouesse de 93, c'est que c'est un film qui est incroyablement moderne, quoi. Enfin, encore une fois, tu regardes aujourd'hui des extraits, alors même si tu vois quand même que voilà, il a pris un léger coup. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Trois fois rien, enfin. Et puis, enfin, c'est fou de se dire que pendant des années, encore après, pendant une dizaine, même une douzaine d'années, on n'avait pas des effets spéciaux de cette qualité-là, quoi. Et ça se justifie, je pense, par le fait que déjà, bon, le travail sur le film a été révolutionnaire parce que c'était mêlé animatronique et donc effets spéciaux rajoutés par informatique. Et puis c'est surtout que c'était une première, donc fallait quand même pas la rater, quoi. C'était quelque chose sur lequel on a énormément bossé. Aujourd'hui, un mec qui dit moi je veux qu'à la fin il y ait un combat de dingue entre les dinosaures, il faut que ça pète de partout. Bon, le mec, ok, c'est bon, on sait le faire, ça, on sait le faire. Mais pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était des bons effets spéciaux. Effectivement, c'est pas 15 mètres au-dessus des autres, mais c'est bon. Voilà, C'est à peine au-dessus des premiers, mais ça reste tout à fait correct. Mais ouais, du coup, c'est pas le même effet. Il y a le fait aussi que dans le premier, t'avais les effets spéciaux pour les dinosaures, mais pour les décors, il y avait trois fois rien. Tandis que là, ils ont mis le paquet partout, ce qui fait que ça te lisse l'image à l'écran et tu vois même, tu fais plus la différence et ça casse un peu l'effet spéciaux dino, quoi. Parce qu'il y a, enfin, quand on a des points de vue du parc en lui-même, enfin, faut pas croire, ils ont pas monté le parc en entier, hein, c'est que de l'image de synthèse. Hein. Non, oui, c'est certain. Ce qui fait que ça casse un peu l'effet spéciaux spécifique aux dinos. Et dans les premiers Jurassic Park, moi j'ai toujours eu une petite préférence pour le 2 parce que justement, il y avait beaucoup plus d'effets Vu le succès du premier, ils avaient mis beaucoup plus le paquet sur les dinosaures dans le 2. Dans le 2, il y a une faune énorme qu'on n'avait pas dans le premier. Et ce qui fait que même si j'adore le premier, j'ai une petite préférence pour le 2, rien que pour ça. S'il fallait le dire. C'est rare les gens qui préfèrent qui préfèrent un peu le 2 au 1, mais je t'en fais partie. Moi, c'est pour le coup. Mais oui, après le 4, oui, effets spéciaux, ils sont corrects pour ce qui se fait actuellement. Après, par rapport à l'effet waouh qu'on avait au premier, non, là il y est pas là. Mais ouais, non, enfin le film en lui-même, il a ses défauts. Mais voilà, pour le, je retournerai autant que possible, je retournerai le voir au moins une fois pour le plaisir de revoir les petits clins d'œil du premier qui m'ont fait plaisir et puis revoir des dinosaures en bouffer d'autres et bouffer deux trois humains au passage. Oh, j'irai peut-être pas jusqu'à le revoir, mais bon, c'était quand même un... L'abonnement UGC aide bien à revoir des films. Ah, j'ai un abonnement aussi, c'est pas UGC, mais j'ai l'abonnement au Gaumont, mais c'est pas pour... Enfin, bah, quand tu le payes pas, pourquoi pas, si j'ai le temps, je vais y aller. C'est ça. Après, juste pour donner mon avis, moi les Jurassic Park, je les ai découverts, on va dire, les 1, 2, 3, il y a 4-5 ans. Et pour ma part, je préfère plus le 1 ou 2. Je sais pas si c'est cette impression de... Le 2, le fait qu'on essaie de ramener les dinosaures à la ville et tout ça, je sais pas, il y a un truc qui va pas, qui... Peut-être que, je sais pas, si c'est la fait qu'on s'éloigne de l'intrigue du premier qui me plaisait beaucoup. Et que là, on y est dans le Jurassic World, on y retourne. Et... Je sais pas, dans le 2, il y a quelque chose qui me manquait, là, le fait qu'on retourne sur leur île et qu'on fasse leur vie. C'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a plu, et bon, après, quand j'ai eu quelques copains à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit, il était bien ou pas, bon, j'ai dit, ouais, mais, va le voir, mais c'est quand même pas le film de l'année, quoi. Il y a pas mal de remarques à lui faire, notamment toutes celles qu'on a faites, durant déjà pas mal de temps, et donc c'est pas grave, vous inquiétez pas, mais bon, c'est comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être une mais dernière après, ouais, c'est, vas-y, pardon. C'est le genre de film, honnêtement, je pense qu'il faut le voir au cinéma, c'est oui, pour l'immersion, toute l'ambiance sonore qui t'emmène quand même dans le film, puis les images, c'est enfin voilà. Peu importe le dinosaure, hein, le voir sur un grand écran au cinéma et le voir sur ton écran de télé, ça fait pas le même effet. Non, et c'est sûr. Je pense que n'importe qui aura plus de plaisir à le voir au cinéma qu'à le voir sur sa télé. Et c'est pour ça que si j'ai le temps, je ferai l'effort de retourner le voir rien que pour ça, pour pouvoir le voir sur grand écran et en profiter un maximum. De savourer une voilà, dernière c'est fois. A priori, c'est en projet. Ouais. J'ai entendu parler qu'il y avait un projet de suite. Je me suis pas renseigné plus là-dessus. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme suite après cette histoire-là où le parc il y en a plus vraiment. Ils ont perdu une bonne partie de leur de tous leurs dinosaures qui leur servaient d'attraction. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Jurassic la suite. Les Jurassic font du ski, peut-être, mais c'est plus dur. Avec en fantassin les raptors, l'armée de raptors, juste derrière le bataillon de T-Rex. Mon Dieu. Pour les sous-marins, tu vois, je sais plus comment ils s'appelaient, l'espèce de gros machin. Mosasaur, je crois. Mosasaur, voilà. Bon, par contre, là, si c'est en mer, ça va être vite rempli, mais... Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'intrigues qui n'ont pas servi à grand chose. L'intrigue du Docteur Wu sert justement à ça, hein, sert principalement à ça. Oui, parce qu'il déménage son labo. Oui, hein. J'avais oublié. Ils sont partis. Mmh. Oui, il s'en va et on l'oublie à la fin du film. Parce que moi, je me suis demandé, est-ce que ce mec-là va pas mourir au bout d'un moment? Et puis non, finalement, on ne le montre pas, donc on présume qu'il ne meurt pas. Et c'est marrant parce que là aussi, c'est un peu un clin d'œil à l'envers par rapport à Jurassic Park, parce qu'avec Jurassic Park, on sait très bien que le mec qui essaie de piquer les embryons, et ben, il n'y arrive pas. Hein. Il se fait tuer avant par un dinosaure et la fameuse combat bonbonne de mousse à raser dans laquelle il y a les embryons et enterré sous de la boue. D'ailleurs, on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Bah, on sait pas, non. J'espère qu'un gamin ne l'a pas bouffé. mais donc là, on sait que les trucs ont été sortis de l'île et à mon avis, ça sera l'intrigue principale. Donc on risque de rebouffer du méga hybride, je pense, dans les suites. Oui, oui. Enfin, après, si ça peut être bien tourné, hein, pourquoi pas. Même si celui-là était un peu bizarre, c'est pas pour autant que les suivants seront tordus. Moi sincèrement, je suis très content du succès. Parce que c'est, enfin là, quand même, c'est incroyable le succès. C'est une force de frappe commerciale. Je pensais vraiment pas que ça serait aussi fort. Ils ont battu les records, records de chiffres sur la première semaine de sortie en salle. Ils ont battu Avengers et Marvel leur a fait un clin d'œil. Dans les quelques jours qui sont passés là, je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Je crois que c'était hier, ouais. Ils ont fait une petite illustration avec parce qu'en plus l'acteur principal de Jurassic Park World est en contrat chez Marvel hein, au passage. Et ils ont fait justement une petite illustration où on voit j'ai bouffé son prénom mais c'est Pratt de son nom de famille là. Voilà. Chris Pratt à cheval sur un T-Rex supérieur aux Avengers qui sont tout penauds devant. Voilà, il y a une petite illustration comme ça là qui vous pouvez trouver facilement, je pense, sur Internet pour féliciter, donc les entrées de Jurassic Park World qui ont battu les entrées de Avengers. Ouais, c'est quand même pas très étonnant, ce qui était très attendu, mais bon. Ah ouais, mais quand même, quoi. C'est impressionnant. Ouais, quand même, Avenger, t'as 9 films avant qui ont bien assis aussi leurs entrées. Et là, Jurassic Park, il arrive avec. Parce que le 3, il date 2001. Ouais, mais après, le démarrage de la première semaine, le bouche à oreille, il a à peine le temps de se mettre en place, mais. Il y a quand même de bons échos par rapport à, par exemple, Avengers, si on peut comparer, Avengers 2, par exemple, si on veut comparer, ou des films comme ça. Il y a quand même des bons retours, et vu que c'était une grosse licence qui avait plus dans le passé, qui avait fait pas mal de beaucoup de fans. Ouais, mais il y a 14 ans quand même. Hein. Ouais, mais. C'est 14 ans. Moi, là. En 14 ans, il s'en est passé des choses. Moi, je sais pas quand. Ouais. Non, je pense que. Oui. C'est quand même un succès honorable, je pense. Oh, ça prouve qu'il y avait, même tu le dis, mais 14 ans, il y avait une attente énorme. Quoi. Je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire que 14 ans, ça a quand même frustré beaucoup de gens. Surtout quoi là, il y avait. Encore une attente un c'est peu. Pas... Jurassic Park 4, c'est quand même une arlésienne. Hein. Ça se fait 14 ans après, mais il y avait plein de projets qui ont filtré dans la presse et tout. Enfin, c'est. Puis c'est 14 ans après le 3 quand même. Hein. Oui, en plus, c'est vrai. Parce que le dernier sorti, c'était loin d'être le meilleur. Mais qui avait fait de bons chiffres, d'ailleurs, aussi, hein, malgré tout. Ouais, parce qu'il était plus proche des deux premiers. Ouais, je pense. Ouais, je pense que ça joue. Mais le 3, c'était loin d'être le meilleur. Et le succès 14 ans après, c'est quand même assez honorable hein, par rapport à d'autres qui sortent maintenant et qui ont... c'est Avengers qu'ils ont battu. Avengers, c'est une série de films Marvel, il y en a 9 juste avant. Donc le public était bien chaud là. Ouais. Puis si tu de toute façon si tu veux voir les autres qui suivent derrière chez Marvel, t'es obligé de t'es obligé de passer par Avengers aussi quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour bon, du sujet. Ah, si vous avez, allez-y, c'est le moment. Ce sera pas quand on aura coupé, mais. Non. On peut tout. Voilà. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, messieurs, d'être venus participer à cet épisode à l'affiche. Merci à toi. Merci Fab. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où les auditeurs peuvent vous retrouver, que vous souhaitez partager? Milou par exemple Sur Twitter @lemilou tout attaché et puis sinon sur le podcast FMICast c'est FMICast.net ou sur Twitter @FMICast. Voilà. Fab, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve avec évidemment mes amis du SAV de la F1 sur savf1.fr. Donc, c'est de la Formule 1. Hein, donc, c'est, si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Mais vous pouvez, on peut peut-être vous mettre le pied à l'étrier. Puis sinon, bah, sur Twitter, j'ai un compte @fab1_f1. Pas le plus facile voilà. Que t'as pris. Non, oui, hein, c'est ça. Je me suis dit, le Milou, bon, ça d'accord. Je me suis dit, c'est facile à vendre. Le mien, j'ai dit, merde, je vite, et puis j'ai pas eu le temps, donc voilà. Mais voilà, donc vous pouvez me retrouver là. Et puis dans d'autres participations, parfois à un podcast que vous connaissez tous les deux, on achève bien les bandits, évidemment. Ouais, ouais. Oui, où Dino est venu participer à la précédente émission de À l'affiche, donc. Et peut-être. Et quelques auditeurs en connaîtront également. Et peut-être un projet qui spontané, ouais, qui est pas bien vu. Oui, c'est en train de se monter apparemment. <ouais. rire> Donc pour avoir. Et puis bon, moi, ma promo perso, je veux pas la faire. Ça fait un peu trop. Je trouve que ça fait un peu beaucoup de la faire. Mais je fais la promo de l'émission quand même parce que c'est important pour ceux qui découvrent l'émission de savoir où on nous retrouve. Alors vous retrouvez l'émission sur Twitter au compte @AlAffichePDC. Tout attaché. Vous nous retrouvez également sur PodCloud à l'adresse alaffichepdc.fr. On est également diffusé sur Pod Radio, sur le canal Gamma. Et on est inscrit également au Pod Radio. Je suis inscrit au Pod Radio Podcast Awards. C'est pas encore les phases d'ouverture, mais voilà, je vous le rappelle bien pour que dans 2 semaines, le jour où les votes seront ouverts, que vous alliez voter, vous allez donner votre petite voix. Même si on gagne pas, c'est pas grave. Ça permet de faire découvrir le podcast à plus de gens. C'est plus dans cet intérêt-là que je me suis inscrit à cette émission-là. Ça me fait penser que j'ai encore 2 semaines pour faire mon montage, moi. Oui. Quel courage. Oui, moi, c'est déjà envoyé. Ça a été un peu compliqué. Je pense pas qu'il représente bien l'émission, mais faire un résumé d'un podcast qui parle de films, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, c'est pas évident de faire quelque chose de correct, quand même. Moi, ça va se finir en best-of, mais... Mais bon, voilà. On verra. Et puis autrement, bah, merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs, d'être venus. On vous dit rendez-vous à la prochaine émission. Je vais essayer d'en faire une assez rapidement, mais... Je vais peut-être un délai un peu plus conséquent là, peut-être augmenter un petit peu pour diverses raisons personnelles. Et puis de toute façon, il y aura sans doute une légère pause pendant l'été ou au moins une publication qui sera un peu plus étalée. Donc vous inquiétez pas si ça ne il n'y a plus d'épisodes qui sortent courant juillet, août, c'est normal. Ça reprendra en septembre. C'est les vacances. Je l'espère. Ça, c'est ça, c'est ça. Et puis bah merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus, et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine, salut. À bientôt. Salut.